élections, l'heure est grave. Vous le savez, la France a perdu son triple A. C'est la récession. Le pays est à l'agonie, terrassé par la crise. Chômage record, dépression nerveuse, alcoolisme, malformation osseuse chez les nouveau-nés. C'est l'apocalypse selon Saint Jean. Face au cataclysme annoncé, je vous demande, moi, Dieu, donnez balambala, un geste de solidarité et de fraternité devant l'éternel. Éteignez vos portables afin que chaque spectateur puisse profiter de ces trop rares instants de rire. Sachez que la personne assise à côté de vous n'a peut-être pas ri depuis plus d'un an. Certainement d'ailleurs lors de mon dernier spectacle. Alors respectez cette personne, laissez-la profiter de ce moment d'évasion. Ayez pitié, éteignez vos portables. Amen. Au nom de notre Seigneur Christ, roi mort, une croix de vierge. Sainte Thérèse, Sainte Marie. J'aurai l'impression d'être au gouvernement. Mais vous êtes aussi dans le collimateur en tant que public. Allez voir le spectacle de Dieudonné, est-il moral? Ce sera bientôt un sujet du bac. François Hollande, votre président, vous a demandé de ne plus venir voir mes spectacles. C'est quand même votre président, lui, d'accord. Moi? Ah non. Moi, j'ai rien à voir avec lui. Moi, au niveau président, je me suis arrêté à Pétain. Tu vois. J'aime bien. La casquette, la moustache, tout ça, je reviens à côté de Mario Bros. Non, tu es plus marrant. Oh, raciste un petit peu, on porte beaucoup moins que François Hollande, c'est le pire de tous. Hein, c'est le premier président en exercice qui l'a ramené sur la traite des Noirs. On lui a rien demandé l'autre. Il a dit oui, j'ai réfléchi, bon, par rapport aux négros, tout ça, il n'y aura pas de réparation. Ça, c'est une surprise, François Hollande. Ferme ta gueule. Alors Christiane Taubira, elle était verte, ben, elle a commencé par être indépendantiste hein, avant de collaborer. Ben ouais, ouais, elle voulait être le Guyane libre, tout ça. Donc elle a dit à François quand même, et il a dit écoute Chita, comme ça maintenant. Va nous chercher des cafés, je te ferai signe si tu veux. Bon, ils vont quand même conserver la journée du 10 mai, c'est la journée de la pleurniche des Noirs. C'est au jardin de Luxembourg, ça se passe. Ils nous ont fait une sculpture, enfin une sculpture, bon. Ils ont soudé une jante sur un caddie. Ils ont 1 million d'euros à la collectivité. Ils ont dit, allez, c'est bon, les négros, vous pouvez chialer. Non, pas là, là, évidemment. Là, oh, non, une fulerie. Puis alors, Rome, ils sont motivés, ils sont très, très motivés. Bon, moi, j'ai toujours été contre les histoires de réparation. J'ai toujours trouvé ça indigne, des violences, quoi. Mais bon, comme disait le maréchal, il faut rester cohérent. Si on ne répare pas pour les négros, bon, automatiquement, il y en a qui vont être amenés à rembourser un petit billet. Attends, les locaux, c'est pas coûté cher, hein, on paye encore. Puis alors, si Elie Wiesel et son gang des tractions qui nous a bricolé l'addition, il n'a pas le trac. L'autre prix Nobel, il est arrivé en chialant. Oh, on a souffert. Tiens, voilà l'addition. Maintenant, ouais. Je peux regarder là, aussi antisémite de vérifier. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce champagne? J'ai pas vu de champagne. Ah, on a arrondi. J'ai multiplié par 1 milliard. Alors en Allemagne, les jeunes Allemands, ils en peuvent plus. Ah ben de payer pour Pépé et Mémé, ça va. Eux, sur leur bulletin de salaire, les jeunes Allemands, c'est moins 25%. C'est quoi ça? Un choix? Oh. Vous avez vu, ça s'arrêtait l'année dernière. Vous allez me dire, apparaître comme antisémite. Arrêtez avec l'antisémitisme. Vous me faites de la pub. Je ne suis pas antisémite. J'ai le droit, je fais ce que je veux quand même. Putain. Je n'ai pas dit que je ne le serai jamais. Je réfléchis en ce moment. Mais je n'ai pas à prendre parti, moi, pour les juifs ou pour les nazis. Je veux dire, je suis neutre dans cette affaire. Je ne sais pas, j'étais pas né. Qui a commencé? Qui a provoqué? Qui a volé qui? Bon, j'ai ma petite idée. En tout cas, votre présence ici interroge des gens très haut placés. Attention, des intellectuels, des sociologues. Je ne parle pas du mec qui pousse les caddies chez Ikea. Attention, lui aussi il s'interroge. Comment il va payer son loyer à la fin du mois? Moi je te parle de gens dont le métier c'est de s'interroger, putain. Ils sont autour d'une table, ils sont quatre ou cinq et ils s'interrogent. Allez, on va bouffer. En train de se poser la question, qu'est-ce que vous foutez là? Qui sont ces abrutis qui continuent à aller voir ce crétin? Ça, je résume. Parce que moi, ils ont essayé de m'élimer et qui continuent d'ailleurs. Les politiques, les médias, à lui, ils sont moins antisémites, n'y allez pas! Alors les gens, ah bon? Bah, on va aller jeter un coup d'œil. Ils ont décidé de s'en prendre à vous maintenant. En faisant passer vous, public, pour des dingues, des néo-nazis, ventriloques, n'importe quoi. Comme vous n'êtes rien de tout cela, bien sûr. À part toi, je t'ai repéré deux fois. Non, mais tu peux rester. J'ai décidé d'inviter sur cette tribune tous ces infréquentables de la République dont on nous parle en permanence et qu'on n'entend jamais. Le premier d'entre eux s'appelle Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Non, mais c'est moi qui vais le faire. Ah, il comprend rien, si t'es non-voyant, tu préviens la classe. Alors, Guillaume, enchanté. Alors, vous êtes néo-nazi, c'est ça? Merde. Bonsoir. Comment moi? C'est quoi le projet nazi aujourd'hui pour un jeune qui voudrait se lancer là-dedans en 2013? Je veux être nazi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le projet? Un suicide collectif dans un bunker pour faire comme Gepetto là ou quoi, fabriquer des savonnettes avec le gratin du show business français, c'est quoi le... Oh, c'est un très joli projet. Guillaume Lacliche, je suis d'origine belge. Nazi d'origine. Je suis néo-nazi depuis 2 ans. Avant j'étais au front de gauche, hein, comme quoi tous les chemins mènent à Nuremberg. Je suis arrivé au néo-nazi, je m'en ai plus par hasard. J'ai fait une perte d'emploi dans le milieu bancaire. Je ne m'étendrai pas sur la profession, mais je me suis aperçu que nous étions otages d'une véritable mafia. Dans mon esprit, on doit pouvoir vivre librement sur cette terre. Les Européens en Europe, les Africains en Afrique, les Asiatiques en Asie, et les Juifs. En prison. Le mouvement néo-nazi est sensiblement antisémite quand même. Si, si. 100%. Dans notre esprit, il existe une mafia juive, vous voyez, qu'on appelle aussi la juiverie, qu'on appelle la juivasse. Alors, je ne sais pas si on peut parler librement, Dieu donné, ce soir. C'est-à-dire, allez-y doucement quand même, comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais... ferme-la. J'ai cherché la citation exacte, mais en fait, il parlait d'autre chose. En fait, on nous raconte n'importe quoi, putain. De la maternelle à la maison de retraite, bête dans les oreilles. C'est supportable. Alors, liberté d'expression totale, mais pas d'incitation à la haine. Oh, Dieu donné, pas vous, la haine. Ce mot inlassablement éructé pour éviter tout débat. La seule haine que je reconnaisse aujourd'hui est cette haine juive envers le reste du monde. Alors, je sais que je vais choquer des gens, hein. T'es choqué, hein. Profites-en bien. Tu sais, comme ce prétendu racisme d'Hitler, propagande hollywoodienne. Mais Hitler n'était pas spécialement raciste. Un peu. Je citerai Jesse Owens, ce sprinteur noir américain, extrêmement rapide. Il est où? Il est passé. En 1936, nous sommes à Berlin. Hitler est au pouvoir. Jesse Owens va rafler toutes les médailles. Il est où? Il était lâche. De retour dans son pays des journalistes, alors racontez-nous Jesse le raciste Hitler. Et Jesse Owens aura cette phrase extraordinaire, il dit oh, non. En tant que noir américain, nous dit-il, j'ai été mieux reçu dans l'Allemagne nazie que je le suis dans mon propre pays aux États-Unis. Donc sur le racisme envers les Noirs, les Rothschild ne vont quand même pas donner de leçon morale au Troisième Reich. Hein, qui s'est enrichi sur la traite des Noirs? Et voilà, restons courtois. Alors, certes, je ne vais pas le nier, certains soldats allemands ont pu être déroutés, hein, de voir débouler sur le champ de bataille ces hordes de soldats africains en guise d'armée française. Il faut savoir que les tirailleurs africains composaient l'essentiel des premières lignes. Donc les Allemands disent « qu'est-ce qui se passe ?» C'est la France, l'Afrique nous attaque. Évidemment, ça c'est un vrai sujet, les tirailleurs sénégalais, tirailleurs africains. Magie du théâtre, rendons visite aux deuxième classe ébangués qui s'est battu pour la France. On est en Afrique centrale, mais il fait chaud chez vous, les ébangués. Comment un homme comme vous a pu s'engager dans un combat si lointain? Bon, il y avait la bon. Ah ouais. Non, j'ai écouté, hein. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le personnage de Dion. Le néo-nazi, hein. Ah, ah bon, hein. Non, c'est marrant. Bon, moi, je me suis battu pour la France. Mais si c'était à refaire. Ah! Je tire directement dans la face des sergents recruteurs de cette armée de voyous. Ces gens-là ne sont pas prêts. Ils sont arrivés en Afrique. Venez les Africains, on danse. Qu'est-ce que tu viens danser ici? Non, allez, on est content, on va aller bagarrer pour la liberté de l'univers. Résultat, on s'est retrouvé comme les petits lapins à l'ouverture de la chasse. En première ligne, je dis que ma canard, ma croix de mundo, 80% des combattants africains. Mais on est mort dans les deux premiers jours de la guerre. On ne pouvait même pas ramasser les corps. Ils disaient, non, laissez les corbeaux, vont s'occuper. Ceux qui s'en sont sortis, comme moi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, morts en croix, ils ont péché. Mais on n'a même pas touché de retraite. Tous les ans, j'allais à l'ambassade de France à Yaoundé. J'ai dit, mais c'est comment? J'ai combattu pour la France. Donne-moi l'argent. Il dit non, tu sais, l'ordinateur est en panne. Au nom de tous ces combattants africains morts sur les champs de bataille en Europe, moi j'ai envie de m'adresser directement, même à Hitler, comme ça. Mais je ne sais pas où il est. Au paradis là-haut. Au paradis. Je vais dire à ce monsieur, pardon, si c'était à refaire, je reste chez moi en Afrique. Débrouillez-vous avec vos affaires de blanc. Je l'invite même à manger l'indolé à la maison. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il était comme les autres, pas plus méchant, pas moins. Tu veux parler? Ça c'est mon Sénégalais. Il était avec moi. Hein? Qu'est-ce que tu vas raconter? C'est peut-être un peu exagéré. Pardon à Hitler, mais c'est vrai que on regrette s'être battu par les intérêts de la banque de Rothschild de l'échec comme une Afrique. Tout est nerf et on ne comprend pas. Ton accent trottine comme ça. Non, mais il a raison quand même. On est tombé dans un piège. On a essayé de négocier, non? Sur le champ de bataille, on avait un porte-parole, un Marocain, Mustapha. C'est lui qui est parti pour parler avec le capitaine. Capitaine, capitaine! Oulou, capitaine! C'est chaud là-bas, capitaine. Depuis ce matin, il pleut des fer à repasser, je sais pas ce qui se passe. Ils nous ont balancé des boules pillantes, tout le monde l'est mort, capitaine. Ah, c'est pas des vacances, capitaine. Il reste 14 combattants africains, ils sont cachés sous les morts. Un peloton d'exécution, t'as plus de chance d'en sortir. Pour la mère patrie, bien sûr, capitaine, qu'on l'aime, mais que ça devient difficile, capitaine. On n'a pas mangé depuis 10 jours, capitaine. 10 jours. Hein, 10. C'est ça. Soldats africains, ils doivent manger un petit peu, capitaine. Moins vous, mais un petit peu quand même. Parce que les Allemands, c'est costaud, les Allemands. Ils sont pas cadents. Ils sont pas cadents. Je sais pas ce qui se passe entre vous, capitaine. Ça me regarde pas. J'ai déjà... Ah, c'est votre petit chien, il est joli. Hein. Il est bien gras, ça. T'en veux pas de ça, regarde. Mais, les gens, hein. Donnez-nous, s'il te plaît, un petit peu à manger. Et des fusils qui marchent, capitaine. Parce que les fusils de la Révolution française que vous nous avez donnés, là, c'est joli dans un musée, capitaine. Sur les champs de bataille, on n'a pas le temps. On recharge, on est comme ça. S'il te plaît, juste un petit bois de pain. Une miette, une odeur de pain. Pas de merde. Ce jour-là, Mustapha est mort en martyr. Il s'est jeté sur le capitaine. Il lui a mangé la joue comme ça. Hein. Tu te rends compte pour un musulman manger le cochon cru le matin. Mais le lendemain, là, ils se sont mangés, je dis que pour le mal. Ils nous ont tiré dessus nos mains. Des deux côtés, côté français, côté allemand. À la fin, on n'était plus que deux avec mon Sénégalais. Tu vois, c'est là que j'ai dit non, c'est foutu. On ne peut pas gagner cette guerre. On n'était que deux. Je te dis, j'aurais pu faire une heure là-dessus. Non, mais c'est vrai que ça a été une... Il y en avait des vieux combattants au Cameroun, je me souviens, il y en avait un devant chez lui quand j'étais petit, je le voyais avec sa veste militaire, ses médailles. T'es fier? Bon, il n'avait plus de jambe, par contre. Il était rentré en trois fois de la guerre. Et après avoir été considéré comme de la chair à canon, on est devenu esclave de la consommation. Et là, c'est tout le monde. Il n'y a plus d'histoire d'Africains, de blancs, de noirs. Là, c'est le maître banquier, c'est lui qui décide tout. C'est lui qui travaille le matin avec le réveil. Allez, il faut aller bosser, dépêche-toi. Eh oui, regarde, tu traînes, voilà, t'as loupé le RER. Eh ben marche. Allez, bosse, maintenant, bosse. Non, tu mangeras après. Bosse. Un sandwich, dépêche-toi, bosse. Ah, il rentre chez toi, t'es travaillé, c'est bien, allume ta télé. Tout ça, va faire tes cours, reste ta femme. Et si tu fais pas ce qu'on dit, t'es un mauvais esclave. Hein. T'es l'esclavagiste, mais il te traite de raciste. Raciste. On va voir ce que c'est, un raciste noir. Un suprématiste noir. Monsieur Cocofès, bonsoir. Ouais, il est antillais, le personnage. Parce que Cocofès, ben, aux Antilles, tu sais, ils ont été obligés de donner des noms après l'abolition. Mais c'est vrai que si t'arrivais en fin de journée... Aquarium, ça te va? Allez. Avec le respect, bien sûr. Alors, vous êtes historien, anthropologue, qu'est-ce que la race noire? Qu'est-ce que ces histoires de racisme, l'affaire Dieudonné, la Claudel? Vous pouvez nous parler de ça? Il nous en parler. Alors, tout d'abord. Non, mais c'est un préciser que je ne me considère pas du tout comme un raciste. Loin s'en faut. Mais le bon sens ne pousse à accepter qu'il existe des races à l'intérieur de l'humanité. L'homme noir. Nous représentons un sous-groupe, le mélanoderme, chocoderme, selon Annie Cordy. Alors, l'étude chocodermique nous permet de mettre en évidence que l'homme noir possède une couleur, homme de couleur, alors que l'homme blanc en est dépourvu. Hein? Le leucoderme ou vanilloderme. Parce que lui descend directement de la méduse. Alors, colorimétrie zéro. Quand je regarde la main, on voit les veines. Ah! La peur de cette situation va naître une jalousie que je nommerai épidermique. Alors, pour bien comprendre, nous comprenons. Il faut remonter moins 500 000 ans avant Jésus-Christ. Pas du mois d'octobre. À ce moment-là, chocoderme et vanilloderme. Mais on vivait en harmonie, ensemble, en Afrique. On sortait de l'océan, tout allait bien. Mais très vite, le vanilloderme va se plaindre. Pourquoi je n'ai pas la couleur? Pourquoi je ressemble tant à la méduse? Alors le chocoderme ne comprend pas, je ne suis pas responsable. C'est Dieu qui a voulu te faire moche comme toi. Alors l'autre va se sentir au vilain. Il a honte. Il a trop honte. Et là, il va fuir en Europe. Il va se cacher dans la forêt. Avec les poules, les marcassins, les renards. Il va ruminer, ruminer. Pourquoi je n'ai pas la colère? Il va aller voir le soleil, les vanilloderme. Soleil, bronze-moi. Le soleil dit non. Enfin, tu n'es qu'une méduse, retourne dans le monde. Donc là, il va ruminer, rumination extrême. Jusqu'à avoir la révélation de la méchanceté qui va rentrer dans sa tête. C'est grâce à cette révélation de la méchanceté comme ça qu'il va inventer le fusil, le vanilloderme. S'il n'a pas le fusil, il ne peut pas bagarrer. Il ne peut pas retourner en Afrique sans le fusil. Oula, mais je vais revenir. Donc, c'est grâce à ce fusil de la méchanceté comme ça qu'il va envahir le monde de Napoléon à Hitler. Tout ça par considération, mais vanilloderme. Alors, Hitler n'était pas le plus méchant, toujours nous dit Hitler. Chez le vanilloderme, le plus méchant, le plus belliqueux, et sans aucun doute, le vanilloderme argentin. De son nom scientifique, le vanilloderme aquipa. Reconnaissable à la tenue noire de coco qu'il a sur le sommet. Celui-là n'aime pas les chocodermes. Tous les problèmes de Dieu donné. Si il aime le chocoderme, mais pour joue le ballon, zouk, zouk, cou, bouge. Mais s'il parle, je mets la chicote. Donc, il ne faut pas oublier que Aquipa City, le pays qu'ils ont volé aux Palestiniens, bon, là-bas, le chocoderme, ils appellent ça le falachant. Maintenant, ils disent, il y en a trop. Ils se reproduisent trop vite. Il faut arrêter ça. Donc ils ont dit, on va stériliser les femmes. Enfin, l'achat. Oui, mais il faut demander. C'est pas gentil. Toujours à dire que le chocoderme est une race primitive. Usurpation d'identité. Qu'est-ce qu'un primitif, en fait? La civilisation arrive. La civilisation humaine avec la sépulture, nous dit-on. Alors comment enterre-t-on le mort chez les chocodermes? Devant sa maison, au milieu des villages. Les enfants jouent sur la tombe, la grand-mère repasse sur la tombe, nous casouque sur la tombe. Bon. Chez le vanilloderme, à la sortie du village, à côté des poubelles, qui est le primitif, qui ne dépend, on verra ça la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, vous allez me dire, mais Dieu d'autres, les personnages vont toujours dans le même sens. Donc, le débat démocratique me l'impose, je vais donner la parole à l'un de mes adversaires. Un vanilloderme qui pas hystérique. Alors, Jakubowicz. Président de la LICRA. Le reste, tu finis à pied. Selon cet homme, je serai l'incarnation du mal absolu. Je serais possédé par le diable. J'aurais inspiré Fofana, Mera et une partie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une mission à chier. Alors, il a même menacé mes enfants dans un tribunal devant des témoins. Ne mens pas, je te casse un os. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut serrer la main et faire la paix, monsieur Jakubowicz? Vous pouvez ranger votre main dans votre poche. Et rira bien qui rira le dernier. Monsieur Blamama Blamama. Il y a même autant que ce mot-là du rire ne fait plus rire personne. Si je suis venu ce soir au théâtre de la Main d'Or, ce n'est pas pour rigoler, vous l'aurez compris, mais pour vous mettre en garde. Car derrière l'achat de ce ticket, 30, 70, pour le salaire mensuel d'un Camerounais. Derrière ce prix exorbitant, derrière l'achat de ce ticket, il y a un acte indigne auquel vous aurez bien évidemment, face auquel vous aurez à rendre des comptes, devant les tribunaux. Moi, je suis venu vous le dire ce soir. J'étais ce matin avec votre ministre de l'Intérieur, M. Manuel Valls, excellent ministre. Que j'ai convoqué dimanche à 7h ce matin. Écoutez, il était là à 6h. Alors, plus j'ai de temps. Je l'ai fait rentrer dans mon bureau, bon, il rampait sur le sol. Et toi à genoux, enfin. Je lui ai dit, écoute-moi bien, trou du cul. Je lui ai donné un petit nom. Il lui dit, tu sais, trou de balle. La République est en danger, la démocratie et l'humanité. Allez voir Dieudonné en spectacle aujourd'hui, doit être considéré comme une complicité de crime contre l'humanité. Voilà. Non, je ne te permets pas de rigoler. Tu te crois intelligent, toi ? Vas-y, continue, continue. Antisémite. Derrière chacun de ces rires, il y a une balle tirée dans le front de cet enfant déporté vers Auschwitz. Souffrance absolue, souffrance. Il y en a des spectacles comiques sur Paris, non? Allez voir Arthur. Regarde l'antisémitisme encore. Je m'adresse aux quelques justes qui sont dans cette salle. Je sais qu'il y en a une poignée, un ou deux. Je ne parle pas de toi. Sortez de cette salle. Vous plaiderez la démence au moment de l'achat du ticket. Quoi? Quoi? C'est ça, c'est ça. Antisémite. Quelle ingratitude, jeune homme. Si vous aviez l'embryon d'une culture, vous le sauriez. Nous vous avons tout donné. Ben oui, nous vous avons offert une civilisation judéo-chrétienne. Je ne peux rien, moi. C'est comme ça, ta civilisation. Et on peut retirer le mot chrétienne, selon moi. Nous vous avons offert tout ce qui se fait de génie dans la culture, dans la science, les prix Nobel. Nous vous avons offert la plus belle invention humaine. Nous vous avons offert l'amour. Alors, pour l'amour de l'humanité, sortez de cette salle. Tire-toi, Alain. Alain Jakubowicz, lui, il est vraiment méchant, hein, je veux dire. Il aurait pu être grand rabbin de France sans problème. Alors, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, je suis obligé de lui mettre une cartouche. Après, j'arrête. Il a chié dessus tout le temps de son rabbinat. Attends, il s'est fait virer l'année dernière. Il avait menti, le bête. Oh. Il semblerait qu'il ne soit même pas juif, le grand rabbin. Il serait portugais, celui-là. Dos Santos. Il bricolait dans le terrassement. Il mentait tellement, il est arrivé premier tout de suite. Hein. On l'arrêtait pas, il devenait grand rabbin de Jérusalem. Il mentait tellement, le mec. Le mensonge et le judaïsme, c'est deux concepts très proches. Hein. Non, si t'as pas de lunettes. La vérité est intrinsèquement antisémite. Ah, voilà, le CRIF. Je vais titiller un peu, il débarque. Alors, le CRIF, évidemment, je les ai choisis comme co-auteurs du spectacle. Là, ah, il parle de moi, c'est plus tous les jours, c'est toutes les heures. Là, il m'envoie des trucs. Alors, là, c'est le dernier truc que j'ai, c'est Dieudonné joue dans tous les Zéniths de France à guichet fermé. Ça, ça les énerve. Sans pub, sans argent, sans médias, sans eux. Et une dizaine de milliers de spectateurs. spectateurs vont voir ce spectacle et chantent avec lui Choix d'Anas. Attends, c'est pas fini. Le défoulement d'une foule manipulée par cette crapule. Ça, c'est moi la crapule. Et là, c'est Kuckerman qui parle. Alors, Kuckerman, c'est le patron du trifle. Escalier, ascenseur. Tu finis en deltaplane. C'est lui qui décide qui sera président en France. Ouais, c'est lui. Ben, chaque année, il fait un repas et à la fin, il y a une galette. Qui a l'affaire ? Lui, la couronne. Elle est trop grande, oui, je sais. Et lui, il dit, Dieudonné ne restera pas dans l'histoire comme un négationniste. Cela, c'est l'affaire de son ami Forisson. C'est vrai, c'est un ami. Il restera ce qui est pire comme l'homme qui, le premier en Europe, a fait rire sur la Shoah. Il y a peu d'abjections de ce niveau. Tiens, je t'embrasse le cul, Kuckerman. Ah, lui, je l'emmerde à un niveau, Kuckerman. Même moi, ça me choque, c'est trop. C'est vrai que Shoah d'Anas, je suis rentré dans l'histoire. Avec une petite chansonnette, il n'y a que deux couplets. Mais je suis rentré dans l'histoire. Fais attention. Principe de 6 mois. Je suis rentré dans l'histoire, bon, par le conduit des chiottes, bien sûr, mais j'y suis. C'est vrai que. Non, il y a tout. Mais c'est vrai, même les autres humoristes sont obligés de l'avouer. C'est vrai, Dieu d'eau, bon, il y aura eu avant et après Shoah d'Anas. C'est vrai, quand j'ai commencé, je me souviens maintenant, en 3 blagues à Toto, tu passais chez Drucker, 15 jours après, tu roulais en Porsche. Ouais, on rigole, mais aujourd'hui, il faut mouiller la chemise. Si tu veux faire rire et vivre de ça, attention. Il y en a même des humoristes qui raccrochent les gants, des vieux de la vieille. Tim Seat, il a arrêté au mois de juillet. Ah, il a dit, j'ai plus le niveau, j'arrête. Selon moi, il n'avait jamais eu le niveau. Ils vendent des encyclopédies, je crois, sur la deuxième guerre mondiale. Centré sur les fondamentaux, tu sais, mais ça devenait pathétique. J'ai vu sa dernière émission sur la 5, t'as envie de pleurer. Pas préparé, le bourgeois du rire, quoi, du chauvinisme. Il arrive à un moment donné, il essaye de faire du Dieudonné, mais pas préparé, il se lève, il dit « Hitler avait du génie ». Autour de lui, quoi ? Heureusement qu'il avait une carte du club, sinon il aurait fusillé. J'ai même mon ancien collègue, Élisée. Ah, mais je n'aime pas en parler. Non, l'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de tournée. Personne n'y va. Même les invités n'y vont plus. Tiens, en fin d'année, les comités d'entreprise. Tiens, voilà ta boîte de chocolat, toi. Puis 2 places pour Séoul. Balance le chocolat. Il ne ménage pas ses efforts. Toutes les émissions de merde, il les fait. Hein. Ardisson, Arthur, c'est. Ils montent son cul, il essaye de rester dans le cou. Mais je l'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv. Je te jure, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas ? Alors, ouais, lui, t'es malade ou quoi ? Tiens, un petit tour à la maison mère, il s'est dit, je vais le refaire, tu m'étonnes. Il a monté sur scène, il a failli se faire tuer. Le mec, et Dieudonné, il est où ? Dieudonné ! Je ne l'aimerais pas. L'autre jour, il m'a envoyé un mail. Il m'a dit, Dieudonné, je suis devant mon ordinateur, je vois que tu repars en tournée en 2014, tous les élites de France. Je suis content pour toi. Je pourrais peut-être faire ta première partie. Mais non, c'est trop tard. T'es allé beaucoup trop loin. Tel Aviv, je peux pas suivre. Le mur éternel, celui qui divise la cloison. d'un côté, hein, vous avez le mur du bien, le mur du mal. Hein. D'un côté, donc, le mur des lamentations. Hein, et... Merde, j'ai pissé dessus. Et donc, et de l'autre côté, le mur de la résistance, de la révolte. D'un côté, donc, les banques, les médias, le show business, Hollywood, toute la merde. Et de l'autre côté, les ronces, les cailloux, les orties, mais bon, la liberté. Quoi. Quand, de l'autre côté, j'arrivais plus à m'en sortir, j'arrivais plus à respirer, surtout. Toutes leurs conneries, j'y croyais plus, j'avais le gouvernement sur le dos. Tout. Donc ce soir, je vous invite de ce côté-là du mur. Voilà. Alors je sais que beaucoup, vous allez retourner de l'autre côté. Hein. T'habites là-bas. Hein. Ouais, tais-toi. Oui, j'entends, mais c'est pas un dialogue. Là. Moi, j'ai des potes de l'autre côté qui font des allers-retours. J'ai un pote, il m'a dit, j'arrive à tenir dans cette société, il faut pas que je réfléchisse, sinon je suis foutu. Donc lui, il allume la télé tout de suite, il me dit, il faut que j'écoute, il faut vraiment que de la merde, tout le temps. C'est un compte en plus, hein. Alcool, médicaments, suppos. Il dit, je roule avec le plein en permanence. Toujours bourré. C'est vrai que je l'ai jamais vu sur la réserve. Et, c'est, et là, il a trouvé un truc, il a dit, je m'endette. Ça, ça m'occupe l'esprit. Il fait des crédits. L'année dernière, il a acheté une bagnole pour son chat. Ah, il s'en fout, il paye jamais. Donc, à un moment donné, il vient de récupérer la bagnole. Bon, ça pue la pisse, démerde-toi. Non, c'était chiant de l'autre côté, dans la société, c'est pour les jeunes. Quand tu vois le taux de suicide et tout, la crise en ce moment. Hein. Les jeunes, les ados, bon, ils ont la drogue, tu me diras, ils peuvent se raccrocher à quelque chose. Il y a l'éducation nationale qui est censée les encadrer jusqu'à 16 ans. Et moi, je suis emmerdé, j'ai un fils de 14 ans, il ne veut plus aller à l'école. Il va à l'école, putain, on va t'emmerder. En plus, j'ai valse au cul, ils vont me tomber dessus. Il dit non, papa, je ne veux pas y aller. Il est rentré, il avait son manuel d'histoire dans les mains. On était en train de manger, il le jette sur la table. Ouais, c'est de la merde. Ah, retire-moi ça de la table, putain. Évidemment que c'est de la merde. Il faut en manger un peu tous les matins, le mec. Comme on a fait, nous. Il s'est enfilé un chapitre dans l'après-midi, tu m'étonnes qu'il a chopé la chiasse. Je lui dis, va au moins à la récréation. J'essaye de pousser au maximum. Non, papa, si je continue, je vais mal tourner. Je vais finir chômeur encarté au Parti Socialiste. C'est ça que tu veux pour ton enfant? Il s'est tapé là où ça fait mal. Mais je préfère encore faire humoriste. Ah, ça, je dis non, jamais. De toute façon, je lui ai expliqué, c'est une profession qui va disparaître. Je m'y emploie tous les jours. Je lui dis, de mon point de vue, lance-toi plutôt dans le trafic d'organes. La vente de gosses, la location de ventre. Mais reporteuse, ça c'est un secteur qui va exploser avec le mariage pour tous. C'est pas en s'enculant que les gens vont réussir. Enfin, avec amour. Même avec énormément d'amour. Ce qu'ils vont sortir, ça ne sera jamais à la maternelle. Et donc. En Afrique, il y a une réglementation assez souple. Tu peux monter des petits business. Ils ont démantelé une usine à bébés au Nigeria. Un jeune entrepreneur. En Afrique, tout. Allez, sur 5 niveaux, le mec, 500 ventres, il avait en tout. Il sortait un gosse tous les deux jours, je crois. Mais il s'est fait choper. Bah, il n'avait pas cotisé aux droits de l'homme et tout ça. J'ai dit à mon fils, si on se lance là-dedans, il faut faire des petites unités en race campagne. Il faut les nourrir, des bonnes femmes avec des feuillages, des racines. Et bah oui, il faut limiter les coûts. On a fait un calcul l'autre jour, que je dise pas de conneries, on arrive à sortir un gosse à 500 euros. Le prix de deux écrans plats chez Boulanger. Même les Chinois n'y arrivent pas. Par contre, c'est du modèle de base qu'on propose. Alors, c'est de l'entrée de gamme, c'est du crépu. Tiens, on va voir comment ça se négocie. On va aller voir M. Bellinga. Bonjour, vous êtes le spécialiste de l'adoption, M. Bellinga, ici. Hein, fait chaud chez vous, dites donc. Hein. Ouais, c'est toujours chaud ici. Vous accueillez des jeunes couples français, c'est ça? Vous leur proposez des... Là, vous en avez un aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Hein? Bonjour, monsieur. On peut voir comment ça se négocie, un dossier d'adoption? Non, je suis désolé. Il y a la confidentialité. Ça n'est pas un spectacle comique. Je vous demande de sortir. Allez en salle d'attente. Et puis, ça, ce sont les journalistes. Mais je n'aime pas parce que... Fous-moi le clan, tu vois, il essaie d'enregistrer le micro. Hein. Ces gens-là, vraiment. Ouh, ah bon. Alors, bonjour, messieurs, dames. On va commencer. un monsieur d'armes. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Époux 1, époux 2. Époux 3, époux 4, pas de problème. Je vais, comment expliquer? Je vais commencer. Je vais. L'adoption est un acte d'amour. Je vais poser des questions. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Vous vous embrassez comme ça. Hein? Non, on n'est pas habitué, on n'est pas habitué. Ah! Ils sont comme ça. Ouh, après. Hein? Non, ça va, on n'est pas habitué, on n'est pas. Non, non, c'est bon, ça va. C'est le progrès. Voilà. Alors, moi je vais seulement poser une question du formulaire. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité? Ce sont les anciens formulaires. Deux hommes, la question de ce. Vous n'avez pas d'utérus. Hein? Vous n'avez pas d'utérus. Hein? Bon, je mets utérus néant. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver. C'est vrai. Garçon, garçon, oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça, c'est bon. Au niveau de la qualité de l'enfant, ce sont les enfants agréés par l'Union européenne. Pas de problème. Ce sont les enfants bio. Oui, il y a la pastille verte sous le pied. Ils sont élevés en plein air avec les poulets de canard. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, non, ça je ne parle pas. C'est moins cher, mais si vous achetez ça, vous allez regretter. Vous revenez dans un an. Mais comment, monsieur Bellinga ne peut plus rentrer dans la maison? L'enfant a tué la babysitter. Moi, j'ai la déontologie parce que je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil Enfance et Ananas. Oui, on est agréé par l'Union Européenne aussi. Pardon, au niveau de l'âge de l'enfant, vous me dites, non, j'ai tous les âges. Un an, oui, oui, 6 mois, 4 mois. Un jour, une heure, je peux même vous vendre le fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, vivant, fœtus vivant. 7 mois, oui, non. 4 mois. 3 mois, non, c'est un peu mou, il faut attendre. Les haricots, là, qui n'a pas les pattes. Non, lui, ne peut pas vraiment faire des machins, non, non. Il ne tient pas longtemps. Mais il y a, si, il y a la clientèle, les Japonais. Ils aiment ça. Ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle. Parce qu'eux sont un peu fatigués. Avec Fukushima, oui, ils ne sont pas vraiment vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots, là... Pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous... Non, arrêtez. J'ai compris. Vous savez, ici, le mariage pour tous, jamais, jamais. Les autorités du Cameroun, non, c'est pas homophobe. C'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores. Ils se nourrissent. Moi, je n'ai pas de problème. Non, non, l'essentiel de ma clientèle vient d'Europe. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu, quand vous êtes arrivé, j'ai levé la main. Quand vous allez quitter, je fais comme ça. Non, ce n'est pas le problème du contact. Non, je fais comme ça. C'est comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça, ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu as été ensorcelé. C'est Belzébuth qui rentrait dedans par les fesses. Nous allons descendre au showroom dans un instant. Vous allez choisir votre enfant. Alors, je termine avec la présentation quand même de l'entreprise. Si vous avez besoin de la transfusion sanguine, oui, on a un très bon sang ici. Jeune, avec la pulpe comme ça. Donc, on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe, c'est un petit problème. Vous m'envoyez seulement SMS. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Vous m'envoyez foie, rein, poumon, le groupe sanguin, je mets ça dans la glacière, vous avez 148 heures. On parlait tout à l'heure même un utérus. Je donne ça. Même dans vos affaires, si vous avez besoin, vous voulez changer même un anus. Un très joli anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Hein? Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent des matières premières. Par contre, j'ai la déontologie. Je ne vends pas à n'importe qui, attention. Le matin, là, il y avait un Belge, M. Marozotti, là. Il vient là et dit, je veux 12 enfants. Et qui? J'ai dit, non, c'est pas normal. J'avais un doute. Tu fais la pédophile, hein? Il dit, non, j'ai jamais fait ça. Et là, il a posé son argent. Un glotard, il a dit, prends mon argent. Et j'ai dit, non, je refuse. Jamais. Les frais de dossier, quoi. Mais non, on rigole, il y a des sujets, on rigole, mais la pédophilie. Voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Voilà un mur infranchissable. Aucun humoriste, aucun journaliste ne s'y risque. Tu te fais du. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux jeunes gens à l'issue du spectacle. Les enfants d'un haut magistrat toulousain, j'en dirai pas plus. Et le mec s'est fait assassiner. Je veux dire, parce qu'il faisait partie de ces réseaux pédophiles. Ils sont venus me parler de ça. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je sais bien, mais je. Non, non. Quoi? Vas-y, raconte. Et là, apparemment, à la fin de sa vie, il a eu des remords. Il s'est confié à ses enfants. Tout. Et puis, il voulait sortir de ce réseau-là. Mais bon, c'est le genre d'organisation, tu ne te tires pas en payant un coup de champagne. Tout le monde est sur les nerfs. Ils ont leur cimetière interne. Ouais, même les flics, dans l'affaire Dutroux, il y a des flics qui ont disparu. Ils menaient leur enquête, fugue. Il a fugué, Jean-Pierre. Deux semaines de la retraite, c'est quand même bizarre. Mort subite du nourrisson. C'est impossible, ça. Comment un haut magistrat comme ça arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un directeur de la DAS dans un appart en train de violer un groupe de trisomiques qu'ils ont sorti en 12D, tu vois. Puis attends, je t'ai pas tout dit, tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais on peut pas comprendre. C'était ça, non, non. Non, t'as un appel qui se ferme, on n'a pas accès à ces histoires. Je pense, tu vois, que le pouvoir les rend complètement dingues. Ils ont un tel pouvoir, en même temps, ils doivent s'élire, tu sais. Oh, ils font des carrières entières là-dedans, ils sortent jamais, quoi. Ils se disent, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille à l'autre bout du monde pour nos intérêts, on est quand même enculé dans le cadre de trisomie. Non, non, je ne dis pas que c'est bien. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien. J'essaie de comprendre le processus. Qu'est-ce qui se passe? On arrive là. Il y en a peut-être, ils sont obligés, quoi. Si une organisation, tu veux gravir un échelon, tu veux passer ceinture jaune, je suis violent gauche, merde. Et je dis, bon, le gosse, il est à moitié anti, allons-y. Et donc, si vous êtes venu chercher un peu d'espoir ce soir, rentrez chez vous. Moi, j'ai été professionnel, je vous ai écouté, mais à la fin, j'avais une hémiplégie. Tout ce côté, j'étais là. Merci, ouais, mais ça m'intéresse pas. Je suis rentré, j'ai la patte, elle faisait ça, je le promets. Tout ce côté-là, foutu. Bon, la récupération, j'ai récupéré, mais. Ce qui fait que maintenant j'écoute des reportages animaliers à la télé, ça me fait du bien. Hier soir j'ai écouté un chant de Cacatoès jusqu'à 5h du matin. Ouais, toi t'aimes bien aussi. Bon, c'est intéressant. Je préfère ça à un discours de François Hollande. Je trouve ça plus construit, plus instructif. J'ai vu ses voeux, non. Voilà, le Cacatoès, tu l'écoutes, à un moment donné, tu te dis. Ça, c'est possible. Ça me paraît plus réalisable. J'ai regardé un reportage animalier pareil en Afrique. Un hippopotame qui vient secourir une petite antilope qui se faisait bouffer par des lions. L'histoire de dingue. Alors, oui. Alors, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui ça peut te foutre, l'hippopotame? Pourquoi tu vas faire chier les lions? Et Je ne prenais pas, toi. T'imagines, toi, t'es au resto, on vient de choper ton entrecôte dans l'assiette. Quoi faire ? Merde ou pas ? Tiens, on était sur Internet, on ne comprenait pas. On se mettait à la place des bons, c'est normal, ça, c'est pas... Il y en a toujours, ah non, c'est beau, c'est l'amour. Je vais te faire enculer avec ton amour. C'est la chaîne alimentaire, c'est très fragile, je veux dire. C'est comme une chaîne de vélo, tu la pètes, tu te casses la gueule. Donc nous, on était un groupe, on voulait vraiment buter l'hippopotame. Et donc, on s'est organisé, on a monté même un site. Et là, hippopotame enculé, enfin... Non, il y a un mec, il est parti hier soir en Tanzanie, il a dit je vais buter au moins 14 hippopotames. Parce qu'à mon avis, il devait être fou. Ils sont en train de nous mettre en danger. C'est ça l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut s'organiser. Quand on détecte quelque chose qui ne va pas, que la télé, non. Bon, la télé, ils sont en train de disparaître. Il y a encore des gens, quand même, de temps en temps. Oh, Diodo, c'est con, on ne voit plus à la télé. T'es sérieux, là ? T'es en train de miroir à la télé, toi. Ah, ben, je me suis tiré, je cours encore, t'es fou. L'idée de me retrouver aujourd'hui sur un plateau, là, chez Drucker, obligé d'écouter chanter Patrick Bruel jusqu'à la fin. Ah, je préfère bosser sur un camion poubelle. C'est plus propre à tous les jours. De toute façon, je suis interdit de télé. Donc, comme ça, vous êtes tranquille. Il y a une liste sur le service public de personnes interdites. J'en fais partie. Je serais même premier sur la liste. Ouais, mais c'est du boulot, attention, il m'a fait 10 ans pour Arnaud dans le top 3. Et c'est Patrick Cohen qui l'a rendu public, cette liste. Patrick Cohen, c'est un petit fils de déporté, oui, mais enfin pas en ligne directe non plus, mais bon, par la belle-mère de son chat. Mais il est arrivé. Lui, il a dit que j'avais un cerveau malade à la télé. Parce qu'il est neurologue, apparemment. Enfin, il a dit que t'as un cerveau malade. Ah d'accord, merde, c'est gentil. Je l'apprends. C'est vrai, quoi. Tu vois, lui, si le vent tourne, pareil, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise. Faut qu'il aille vite. C'est vrai que... Non, mais c'est vrai, quand je l'entends parler, c'est vrai que des fois, je me dis, tu vois... Les chambres à gaz, non, si. Dis que j'ai un cerveau malade, le mec, je dois faire, de toute façon, je ne suis pas responsable, j'ai un cerveau malade. Je t'emmerde, quand même, calosse. Alors, je suis interdit de télé et également de politique, rendu inéligible par le Conseil constitutionnel. Inéligible, je suis inéligible. J'ai reçu un courrier au mois de mai, vous étiez inéligible pendant 3 ans. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'aviez pas de chaussettes au mois de juillet. Qu'est-ce que c'est que cette règle ? Il n'y a que les tribunaux où je vais encore pouvoir me produire jusqu'à la fin de l'année. Je passe à la 17e chambre, moi, c'est les trucs de la presse, tout ça. C'est là-dedans que... Et ils sont tous, les magistrats qui te jugent, ils sont au syndicat de la magistrature. Il y a eu un scandale l'année dernière, parce que, dans ce syndicat, il y a un mur des cons qu'ils ont fait. Il y a marqué mur des cons, et puis ils épinglent des photos de gens, comme ça. Et puis moi, je regardais ça sur Internet, puis à un moment donné, c'est moi, ça ! Alors ma femme, c'est quand même important. Ils sont censés juger les autres, c'est quand même, c'est grave. Mec, on leur offre des robes avec de la moumoute, ils sont assis en hauteur dans des châteaux, ils sont là, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous. Pour s'excuser, ils ont dit, oui, c'est de l'humour potage qu'on fait entre nous. Bah oui, c'est potage, de traiter les gens de connards. Potache, moi, il veut me foutre en tôle pour Chou à l'anas, c'était une chanson potache au niveau professionnel, et l'autre, il traite les gens de connards, d'accord. Enfin, je vous rassure, s'il y avait de la place sur le mur, vous auriez chacun votre photo. On est 60 millions de connards dans ce pays pour ce genre d'individus. Moi, ça m'arrive aussi d'être un connard, faut que je le dise. Ouais. Ah oui. Très haut niveau. L'année dernière, tu sais, c'était la fin du monde, là. Le calendrier inca, je suis tombé dedans. Non, au départ, non, parce que j'avais oublié, en fait. Parce qu'on était en plein travaux, on faisait la salle de bain. J'allais choisir les carrelages, moi, je n'avais pas la tête à ça. J'ai mon pote Jean-René qui m'appelle. Un panique. Jeannot, tu fais quoi demain ? Ah, je lui dis, écoute, là, demain, on va faire une raclette chez Mohamed, pourquoi ? Il me dit, oublie ta raclette, demain, c'est la fin du monde. Lui, ça tombe bien, je voulais pas aider à Sarah. Donc c'est pas sa spécialité à moi. Il dit, mais de l'autre, écoute ce que je te dis. Demain, à 12h40, tout s'arrête. Il y a des niveaux, ils vont couper l'électricité. Raconte. T'es bête, il n'y a que sur scène qui était con, normalement. Il dit, demain, à 12h40, la Terre explose. Je dirais que j'ai réalisé. J'ai dit à ma femme, tiens, c'est peut-être pas la peine d'envoyer le chèque au plombier, attends un peu. Je vais le rater. Donc j'ai dit, mais on est sûr de ça? Mais il me dit, évidemment, réveille-toi, ils viennent encore d'en parler sur BFM TV. Là, j'ai compris que c'était carré, c'était du sûr. Là, il me dit, Diodo, est-ce que tu as le numéro de Jean-Christophe, un pote qui bosse chez Decathlon? Non, c'est pas ça, c'est qu'à ce moment-là, chez Decathlon, il faisait un kit haute montagne. Lui, il s'est mis dans le crâne que ça pouvait l'aider pour la fin du monde. C'est des chaussettes qui montent aux genoux, ça va faire un peu. Voilà, j'ai dit, mais t'es con, je veux dire, ça n'a aucun sens. Une fois propulsé dans la stratosphère, tu vas faire quoi avec tes chaussettes? À la rigueur, des palmes, un tuba, tu vois. Tu t'essayes, je sais pas, de te rapprocher d'une galaxie, je sais pas, je cherche. On est raccroché. Et donc finalement, bon, j'ai Jean-Christophe qui débarque chez moi, après avoir accroché, c'est Jean-Christophe qui me débarque et me dit, Diodo, j'ai peut-être un plan par rapport à la fin du monde. Il me dit, il y a des micros chez toi? Je dis, oui, certainement. Alors, je vais dans sa bagnole, il me dit, voilà, il existe un refuge contre la fin du monde, un village qui s'appelle Bougarache dans l'Aude. Il se trouve que sa famille a une ferme dans ce village. Il me dit, j'ai pensé à toi, parce que la fin du monde, après, ça risque d'être un peu long. Avoir un comique dans l'équipe, ça peut mettre de l'eau. Je te remercie. Je lui dis, qui part? Il me dit, bah, avec ta famille, ça fera 60 personnes. Il ne faut pas prendre une personne de plus. Et il me dit, en rigolant, t'inquiète pas, il n'y a pas de juifs dans l'équipe. Oh, je lui dis, tu vas continuer à m'emmerder combien de temps avec ces conneries, là? C'est bien que ça n'a aucune importance. C'est vrai que je me disais en même temps, si on peut profiter de la fin du monde pour régler quelque chose. David de l'autre est trop con. Donc là, il me donne l'adresse, donc les enfants vont de l'école, tout le monde dans le caravel, c'est un 9 places. Et j'ai 7 gosses, hein, c'est à l'africaine chez moi. Donc allez, on y va. On est parti, c'est une surprise, faut qu'on y aille. Vite, vite, le chat dehors, il y en a là-bas. Allez, on a refermé les portes. Non, on est parti. Mais oui, je l'ai vu, la voiture du voisin, qu'est-ce qu'il y a? Mais si, ça passe, qu'est-ce qu'il y aura? Ma femme, la voiture, je lui dis, t'inquiète pas, elle aura autre chose à foutre qu'à porter plein de. Je commence à tracer, quoi. Ma femme, on va où? Je lui dis, c'est une surprise, putain. Jean-Christophe avait été très strict. Dieu donc, pas un mot à ta famille, jusqu'à l'arrivée à Bougarache. Je lui dis, croix de bois, croix de fer. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, au bout de 3 heures, j'ai les enfants qui roupillent, ma femme qui me travaille encore. On va où? J'ai dit que c'est une surprise, putain. Je suis en train de faire un truc, laisse-moi tranquille. Elle me dit oui, mais à ce rythme-là, on ne sera jamais rentré. Demain, il y a le plombier qui passe à 7 heures. Tu dis, tu peux prier pour lui et sa famille, le plombier. Et là, ça lui a mis la puce à l'oreille. Elle m'a dit, oh attends, ça n'aurait quand même pas un rapport avec le calendrier. Un chat, tout ce bordel. Oh, Maline, t'as fait. Peut-être des micros dans la bagnole, ok? Je suis sur le coup, d'accord, hein? Donc, je suis en train de vous sauver de la faim. Oui, mais écoute, il y a un chef de famille dans cette bagnole, il est où? Donc, voilà, non, oui, mais c'est moi. C'est oui, mais moi, premier. Premier, deuxième, troisième. Hein? Il me dit, oh, écoute, on m'a encore passé pour des cons, c'était déjà fait avoir avec le bug de l'an 2000, parce que j'avais acheté le bouquin de Paco Rabanne, j'avais acheté un kit de protection des ordinateurs, bon, c'est pour 2000 euros, ça nous avait niqué les vacances, mais rigole, fous pas de ma gueule, t'as donc, j'ai dit, oh, mais là, ça n'a rien à voir. Là, ils viennent encore d'en parler sur BFM TV. Tu vois, ma chérie, mais oui, ton côté ferme-là, quelque part. J'en ai dit, parce que tu n'as même pas ton bac et tu te compares à des journalistes de BFM TV spécialisés dans la fin du monde. Tais-toi, ma chérie, parce que ça va finir en main courante ce soir. Heureusement que j'ai eu un père alcoolique qui m'a inculqué des valeurs. Pourquoi je pense que je te défoncerai la gueule. Je rigole, je fais un bisou. C'est quoi ce bordel? Ah oui, on est arrêté sur l'autoroute, qu'est-ce que tu racontes, ça bouchonne. Regarde le GPS. Allez, putain, les mecs. Oui, bah, les mecs, ça veut dire toi. Parle-lui si tu sais pas t'en servir. Madame, GPS. Voilà, la bonne fois. Non, bougarage, si, si, il faut parler. Quoi? Il y a marqué embouteillage. Ah, d'accord. A besoin d'avoir un GPS, on voit bien qu'il y a un embouteillage. Donc, si c'est pour nous dire ce qu'on voit, ça sert à rien. Ce truc-là. Non, parce que tais-toi, à mon avis. Ouais, mais je t'explique. Donc, voilà. Donc, non, parce qu'il doit sentir le boîtier, tu vois, que ça bouge pas. Il doit y avoir un palpeur. Pour ça, quand ça s'arrête, il dit embouteillage. Parce que, et ça doit être relié à une boussole avec un élastoc. Et à mon avis, l'élastoc, il a pété. Non, mais je vais le démonter ce soir. Je vais regarder, à mon avis, c'est ça. Quoi? C'est relié à un satellite? Quoi? Non, t'es sérieux, hein? Tu crois qu'on nous a donné un satellite avec ce merdier à 140 euros? Qu'est-ce que tu peux être con? T'es bête, les couilles m'en font mal de ta colère. Tu crois que ce boîtier est relié à un satellite? À plus de 50 mètres au-dessus de nous? J'espère que les enfants vont tenir de moi. Ils finiront clodo à manger du caca sur le trottoir. Je peux parler ou tu parles? Eh ben je te dis non, je te réponds non. Non. Faux. Faux. Nul. Zéro. Pas doublement demandé. Tais-toi. Non, non. Écoute-moi. C'est moi aussi que je parle. À mon avis, non, ils disent, mais en fait, c'est la fin du monde qui a commencé. Mais je ne crèverai pas sur une aire d'autoroute avec une grosse. Regarde sur les GPS, il n'y a pas une grotte. Dans cette... Grotte ! Demande au GPS. Et là, la bande d'arrêt d'urgence s'est libérée. Donc on l'a entillé, putain. On était trois bagnoles comme ça. C'est la love. On s'est fait choper par les flics. Ils sont sortis avec les guns et tout comme ça. J'ai dit, tiens, mais où les gars, on va où là ? Je lui dis, c'est quand même la fin du monde, il y a quand même une marge de malheur. Il m'a dit, oui, ben, ça va être 145 euros, moins 3 points la marge de malheur. J'ai attendu qu'il se calme, je suis allé voir le chef. Quoi. J'ai dit, écoutez, c'est quoi cette façon de faire là. J'ai dit, en plus, j'ai peut-être un plan par rapport à la fin du monde. Là, on fait comment là? Il me dit, mais ce qu'on va faire, on va commencer par souffler dans le ballon. On avait peut-être pas de FMP aussi. De toute façon, ça avait foiré, ils nous ont fait poireauter une heure. Donc, il était 15h, j'ai bien compris que le calendrier pour Comunitas c'était de la merde. J'étais fait avoir. Donc, j'ai payé, j'ai donné les clés à ma femme, on a fait demi-tour. Et puis, on est arrivé pile poil pour la raclette chez moi avec tes cousins. Dégueulasse. Toujours pas compris qu'il faut du fromage. J'ai vu, elle nous a emmerdé avec sa vache qui rit, enfin. C'est vrai que pendant un certain temps, j'étais en train de sauver ma famille. Ça, ça restera dans ma mémoire. C'est un beau souvenir. C'est comme une belle cerise au milieu des feuillages. Oh, mais bon, là. Merde, un noyau. Non, et, non l'année dernière, le souvenir du panache, c'est Romain. Évidemment, il faut que je termine en parlant de Romain. L'ange de la quenelle. Celui qui a donné la définition à ce geste potache. Ah, Romain, c'est une histoire incroyable. Il est mort, donc en décembre, il y a un an. Et un an avant notre rencontre, Romain avait été approché par l'association Make-A-Wish, fait un vœu en anglais, c'est une ONG américaine reconnue par les Nations Unies, méfie-toi. Et donc, et c'est une association qui est censée réaliser le vœu d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'une infection très grave. Et Romain, il avait un cancer généralisé en phase terminale. Carédas qui dit mieux. Donc là, Make-A-Wish se pointe à l'hôpital. Bonjour Romain. C'est la fée Make-A-Wish. Il se réveille, ça va? Ah non. Ah non, ça va pas. Tu vas mourir. Hein, c'est vrai. Mais c'est pas grave. La fée Make-A-Wish est là. Je vais te permettre de réaliser un vœu, rencontrer la personnalité de tes rêves. Bon, à ce moment-là, je vous ai expliqué, Romain, il est plus tout frais. Hein. C'est déjà une momie. Hein. Il a plus les jours, le gamin. Hein. Il est déjà en cuir. Et c'est du dingue. Hein. Et donc, non, parce qu'en plus, tout est niqué au niveau du souffle. éteindre une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Et il la laisse venir, il est souple. Ouais, il la laisse venir, il dit oui, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieudonné. Donc là, hémiplégie. Il dit qu'il y avait un infirmier, je croyais qu'il fait un AVC. Effectivement, il nous en a parlé. Donc là, c'est Make-A-Wish, elle est là, tu sais, oui, mais il n'est pas dans le catalogue de Make-A-Wish. Tu veux pas Yannick Noir, regarde, on a des photos. Et donc là, elle est devenue verte, la fée, je sais pas, au bout d'un quart d'heure. Une sorcière, elle lui a craché à la gueule. Crève, enculé de cancéreux antisémite, elle est partie. Ah, Romain, il était mort de rire. Enfin, la façon de parler. Et c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Elle m'a envoyé une photo de Romain, putain, devant le scanner de l'hôpital, en train de faire une quenelle dans le fion du scanner. C'est là que j'ai compris tout le potentiel de jeune garçon. Quenelle dans le fion de l'institution médicale, alors qu'elle était en phase terminale du cancer. J'appelle ça du panache. Ouais, j'ai gardé sa photo, elle est dans mon bureau, mais j'ai décidé de lui dédicacer un film qui sortait à ce moment-là. Il a pu sortir de l'hôpital, d'ailleurs il allait mieux, un peu de force à ce moment-là. Et donc, avant la projection du film, donc, je présente le film, et je dis, je le dédicace à Romain, il était assis là. Et là, il ne s'est pas démonté. 13,29 kg, il s'est levé. Il est monté sur scène, comme ça, avec sa perruque, là, sans ses sourcils, putain. Et dans le public, ils étaient là, ça a jeté un froid, t'imagines bien. Les gens, ils seraient aussi, ils étaient censés venir voir un film comique, quoi. Pas assister à un décès. Mais non, mais il avait un froid, quoi. Puis en phase terminale, les médecins, ils se lâchent au niveau de la chino, de mine de vidange, Schweppes. Mais la mayonnaise de celui-là, ils s'en foutent, quoi. Il y a eu une réaction chimique avec les projecteurs, il est devenu fluo, Romain. J'avais peur qu'il claque dans les pattes, toi, je suis pas formé, ouais. En voulant bien faire, j'aurais tout pété, essaye de faire un massage cardiaque à une biscotte. Et là, contre toute attente, ça a été un festival. Quenelle sur quenelle, j'ai rien vu. Il a commencé, il m'a fait, oh, tu fais ça va? Et ça a été comme ça pendant 10 minutes. En créant le glissage de Quenelle, je pensais pas qu'on arriverait à ce niveau-là aussi vite. Moi, je croyais que j'étais un révolutionnaire. En fait, je jouais avec mes crottes de nez. Il est arrivé, le gamin, tac-tac. Et Romain, pour résumer, il était au pied du mur. Le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts. Nous, on était derrière, on dit, qu'est-ce que tu fais, Romain? Quoi? Mais Quenelle! Allez, Quenelle, Quenelle, Quenelle! N'ayez pas peur! Regarde, Diego, Quenelle dans le fion de la peur. Merci à vous, Karine, merci, Joseph, Jonathan, Bonnie, merci. Si ce spectacle vous a plu, sachez que bon, on devrait partir en tournée, mais c'est pas sûr. Ah, ils veulent pas. Là, ils se sont tous montés au créneau, à deux droites, deux gauches, de partout. Je fais l'unanimité, là. Donc là, c'est quand même c'est exceptionnel. S'il y a les DVD du spectacle, s'il y a la sortie, interdit à la vente également, les DVD. Ouais, je suis fier de ça. De toute façon, tout est interdit. N'ayez pas peur. C'est le gage de qualité qu'on s'impose. Interdit pour rembourser. C'est bien ça. Vous avez également donc le nouveau spectacle qui va avoir lieu. Spectacle quand je suis en tournée, normalement, j'ai écrit et mis en scène un spectacle qui s'appelle Le mariage pour tous, joué par un père et sa fille. C'est quand même assez drôle. Venez au théâtre de l'Amandor. Il y a les stickers aussi, effectivement, qui nous permettent de faire un peu de promotion. Ne vous faites pas choper avec le sticker. Dans les chiottes discretos. Surtout en ce moment. Faites gaffe. Non, faites gaffe. Si vous faites serrer, accusez un collègue. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire une seule chose. Merci pour votre fidélité et mes respects à vous. Oh, n'avons pas.